Certains des nôtres meurent asphyxiés dans la spirale. Être de ceux qui ne franchiront pas les 30 piges, c'est comme naître dans une atmosphère irrespirable. Je sais que les étoiles ne sont bonnes qu'à briller dans le vide. C'est pas les rêves qui me soutiennent. Je suis d'une famille algérienne qui a pleuré la mort de Boudiev. Aussi solide que profonde, mes racines sont anciennes. J'évolue comme un brasier sous une pluie torrentielle. Ces histoires d'hypocrites, pas de ça chez moi. Il n'y a que les salopes et les lâches pour se soucier d'elles. Je suis venu faire parler mon passager noir, voir les portes s'ouvrir comme les poignets d'un suicidaire. Je n'ai jamais su comment réagir face au drame. Je les connais ces nuits où la solitude te blesse. Ma pénitence sera digne d'un grand salopard. J'aurai ton sang sur les mains, pourriture de traite. Pas de parole divine, qu'on soit clair, l'édifice de ma vie n'est qu'un remake de l'Amityville. Aussi longtemps que ma feuille sera infroissable, mon écriture gardera l'odeur d'une croisade. Pas de parole divine, qu'on soit clair, l'édifice de ma vie n'est qu'un remake de l'Amityville. Aussi longtemps que ma feuille sera infroissable, mon écriture gardera l'odeur d'une croisade. J'ai grandi avec un monstre dans le placard. Loin d'être éclairé, frère, cet album c'est le blackout. Et j'avance dans l'irrespectable, à décevoir ces braves gens qui me conseillent d'arrêter de bédave. Il y a peu de choses qui pourraient me rendre candide. Si le public me juge mal, tu veux que je lui dise quoi? Ils ont raison, c'est comme ça que les hommes grandissent. Un morceau de plus et j'intègre la Suicide Squad. Leur paradis est perfide. Je vais prononcer mon propre verdict. Que l'éternel me pardonne d'avoir choisi d'ignorer son signal. Mes baskets et le droit chemin sont irréconciliables. J'ai souvent peur de connaître un triste crépuscule. Peut-être qu'un jour on pleurera sur la même sépulture. Je ne suis pas sûr de tenir longtemps. Quand je regarde les abysses, je sais que les abysses me contemplent. Le Kraken s'est noyé dans un ruisseau. Je suis devenu trop vieux pour gober leur disquette. J'ai pris la peau de l'ours en lui laissant la vie sauve. J'assumerai mes stigmates à la Snake Plissken. Pas de parole divine, qu'on soit clair, l'édifice de ma vie n'est qu'un remake de l'Amityville. Aussi longtemps que ma feuille sera infroissable, mon écriture gardera l'odeur d'une croisade. Pas de parole divine, qu'on soit clair, l'édifice de ma vie n'est qu'un remake de l'Amityville. Aussi longtemps que ma feuille sera infroissable, mon écriture gardera l'odeur d'une croisade.